Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous. Comment commencer une émission axée sur le jeu vidéo? L'humour, on essaye. Tire sur mon doigt, j'aime bien celle-là. Comment commencer une émission sur les jeux vidéo comme ça, brut pour point, sans évoquer un petit peu ce qui s'est passé au Bataclan et sur Paris vendredi soir? Toute l'équipe de La Voix du Geek est avec moi, je suis hyper ému en vrai, et se joint à moi pour souhaiter bon courage à toutes les familles qui ont subi des pertes ce week-end. C'est très grave, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes qui nous écoutent. Il y a 5 millions de musulmans en France, il y a 10 000 personnes qui essayent de nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Faites bien la part des choses, ça tombe mal. Parce que tout ce qu'ils détestent, moi j'adore. J'aime boire, baiser, ça j'adore. J'aime faire des trucs, sortir avec mes potes, aller en boîte, faire des trucs. L'humour, c'est mon truc, j'aime bien. Ça me fait rire de faire rire. Et c'est pour ça que ce soir, avec l'équipe, nous serons vos bombes de distraction massive. Allez, c'est parti, on est en direct. On est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur, du moins. On va essayer. On s'est longtemps posé la question, à savoir, est-ce qu'on ferait le test de Call of Duty ce soir, avec l'actualité, bien sûr. Eh bien, oui, on va le faire. On va pas se laisser emmerder. Voilà, c'est dit. Ce soir, bon programme. On va se marrer, sincèrement. On a préparé, j'ai des tonnes de casseroles. Ça va être n'importe quoi. N'hésitez pas à nous dire, hein, parce qu'en ce moment même, on essaye un truc. On est en stream aussi sur Twitch. Twitch.tv. Alors normalement vous nous voyez en image. Si salut, ça salut. Fonctionne. Coucou. Parce qu'on a beau avoir la fibre, bon bah des fois c'est un petit peu capricieux. Que se passe-t-il, coucou? Non, rien. Ah bon, je sais pas, tu tapotes sur ton micro? Oui, je trouvais qu'il faisait un son bizarre. Ah d'accord, ok. Je me suis dit j'ai oublié d'allumer son micro. Bon bref, donc voilà, je vous ai préparé plein de choses. On va se marrer ce soir, sincèrement. Et voilà, j'espère que vous pouvez nous suivre. Alors il y a Moumout qui a l'air d'être là. Donc je vais pas forcément lire le chat ce soir, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent depuis leur voiture. Il y a également l'Amical du Geek qui a été le premier à être là ce soir. Oui, et puis il y a l'Amical du Geek, hein, qu'on embrasse, qu'on aura dans l'émission. Ils sont au courant ou pas? Alors, eh bien, ça sera l'annonce. Vous êtes conviés le mardi 1er décembre à venir dans La Voix du Geek. Alors bien sûr, on parle de Skype parce qu'ils sont de Montpellier. Voilà, on vous attend. 1er décembre, l'Amical du Geek. Et yes, voilà. Donc ça va le faire. Puis en plus, on parlera de Battlefront, je crois, ça tombe bien. Exactement. Et vu que c'est des fans de Star Wars, ou du moins c'est des geeks, je pense que ça devrait le faire. Tiens, je vais vous présenter mes petits camarades. On va commencer par là, tiens, parce qu'alors, il y a Dandy qui a une casserole à nous sortir. Ah oui. Alors là, ça va être un truc de ouf. Ouais. Il y a Kogu qui est là, comment ça va, poulet? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. D'accord, un avocat vinaigrette, s'il vous plaît, pour le studio. Non, on va commencer différemment ce soir, hein, puisqu'à chaque fois tu nous en fais le reproche. Ce soir, c'est moi qui te demande comment ça va, l'Infernal. Oh. Bah moi j'aime bien passer en dernier. Ah bah, bon, mais d'accord, ok. Je me la remets dans la culotte. Non, bah écoute, je peux répondre tout de suite. Bah moi ça va très bien. J'ai fait le platine de Need for Speed cette semaine. J'ai joué à Fallout 4, non, à Frustration 4, pardon. Voilà. Ouais. On en fera le test la semaine prochaine. Je suis pas d'accord. Ah ouais, non, mais moi ce jeu, il me sort par les trous de nez, les oreilles, par tous les orifices possibles et inimaginables sur un corps humain. C'est un truc de ouf. J'ai torché Call of Duty aussi, Black Ops 3. On va vous en parler dans un instant. Oh, oui. Et puis, ce matin, j'ai mis la main sur Battlefront. Eh ben écoutez, je suis comme un dingue. Même Kogu me l'a dit, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu enthousiaste comme ça. C'est un truc de dingue. Franchement, la bêta, ça reste une bêta. Beaucoup de gens ont jugé sur pièce, en se disant la bêta était nulle, le jeu sera nul. Ce n'est pas le cas. Et là, je m'adresse à la caméra aussi. Ce n'est pas le cas. C'est une tuerie. C'est un truc de dingue. Du coup, jeudi, on vous fait un stream spécial. Il y aura toute la bande. Il y aura Bibine. Il y aura Goustic. Ouais. Il y aura même Tagazu, notre ami Tagazu, qui sera là avec nous. On vous fera un stream toute la journée. Tous les fortunés de la bande. Ouais, presque, et ça presque. Va y aller du piou-piou, mon pote. Ça va y aller du piou-piou. Bon, bref, voilà. Moi, c'est un petit peu ma petite semaine. Si je suis tout excité, demain, c'est la première échographie de ma chérie. Wow. Donc voilà, ça super. Fait un peu bizarre, mais. Dis-toi que la tête que tu vas voir, c'est pas ça à l'arrivée. Hein. J'espère. Je dis pas trop. Mais il a une tête liquide. Bon bref, et toi Kogu, alors comment ça va? Bah écoute, ça va. Moi je me suis fait le platine de Life is Strange cette semaine, je l'ai enfin terminé. J'ai beaucoup aimé le dernier volet, très graphique, j'ai beaucoup aimé. Sur Fallout aussi, et moi je fais partie de ceux qui ont découvert Fallout et qui prennent énormément de plaisir dessus. Moi j'avoue, ce type de gameplay, il est fait pour moi. Voilà. Yes. Et sinon j'ai fait pas mal de tours de nouvelles séries que je pensais nouvelles mais qui en fait étaient pas nouvelles mais je les ai découvertes, donc la pour moi c'était nouveau, voilà, mais un truc pas mal de séries Netflix aussi, et puis pas énormément de jeux vidéo, pas mal de séries cette semaine. Yes. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Et puis Goustique est là. Comment ça va, mon bichon? Eh ben écoute, ouais, ça va très très bien. Je suis content d'être parmi vous ce soir. écoute, ma semaine. Alors, j'ai torché Black Ops 3 avec toi, l'Infernal, et puis Bibine. Oui. On en parlera plus tard, mais c'est une petite bonne surprise pour moi, ce jeu. Sinon, après, j'ai lu pas mal de comics. Il y en a un bon là en ce moment. Enfin, c'est un vieux comics. Il s'appelle Marvels, l'œil de l'objectif, et je vous le conseille vivement. Et ensuite, j'ai vu un film qui était assez drôle, qui m'a un petit peu détendu vu l'actualité en ce moment. Ça s'appelle Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Et franchement, ouais. Non mais honnêtement. Pourquoi tu me regardes? Non, je sais pas, le bonnet, la barbe. Et, et franchement, c'est une bonne tuerie et c'est une putain de bonne comédie. D'accord. Le mec, l'histoire de base, c'est un centenaire qui est dans une maison de retraite et puis. Voilà, par péripétie, il s'évade de sa maison de retraite. Et ensuite, c'est un peu scénarisé comme la Forrest Gump. Donc, tu vas tomber sur pas mal de flashbacks et tu vas dire que le vieux papy, il a eu une putain de vie assez rock'n'roll, en fait. Ça, j'aime bien, par contre. Tu vois, voilà. Le pitch me plaît. Je t'invite à regarder. Et puis même les viewers, les auditrices, les auditeurs, à regarder Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Donc, c'est un film ou une série, pardon? C'est un film et c'est adapté d'un roman, en fait. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Qui est lui-même adapté d'une bande dessinée, qui est lui-même adapté d'une Black Carambar. Oui, tout à fait. Exactement. C'est fou, hein. Et puis là, mesdames, messieurs, je coupe le son de la cantina. Parce qu'alors, Dandy est là, avec nous. Oui. Et c'est vrai. A vécu quelque chose d'un petit peu paranormal. Ouais, très paranormal. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'être sans doute malade, parce que je suis sorti tard la nuit, à minuit exactement, pour partir sur les traces de Gus DX, alors, le chasseur de fantômes. Alors, il m'a raconté ça au téléphone, j'étais mort. Vas-y, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. En gros, je suis... on cherchait à se faire peur avec une amie Wendy, que je salue au passage. Salut à toi. Elle m'a dit, tu connais pas un endroit spooky dans Bordeaux? Je lui ai dit, bien sûr, on va aller là où allait Gus DX, là où t'as des esprits, etc. Bon, il était minuit, on se rend là-bas. T'avais tout préparé, quoi. Déjà, l'heure du crime était... Déjà, il faisait une nuit noire. Franchement, quand tu connais les vidéos de Gus DX, alors c'est au domaine de Tanaïs, je sais pas si vous avez vu les vidéos ou pas. Mais quand je connais le domaine d'euthanasie, c'est à côté. Non, pas trop. Mais quand t'es sur place, tu flippes trop. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas y aller, je vais rester dans ma bagnole, je vais pas y aller. Et on s'est dit, bon, allez, on y va quand même, on va faire le tour du propriétaire. Et j'étais déjà venu deux jours, donc je connaissais, mais j'avais pas les chocottes. Là, de nuit, c'est carrément autre chose, c'est un autre monde. Et j'arrive devant le parvis du bâtiment. Et donc, on commence à parler. Et d'un coup, j'entends... Je me stoppe, je dis, attends, t'entends parler toi aussi? C'est toi Wendy? Hein? Non, j'ai mon estomac. Je lui dis, t'entends parler toi aussi ou c'est moi qui hallucine? Elle me dit, attends, fais voir. Et on entend parler. On se dit, non, pas possible. On dit, c'est quoi ce délire? On s'approche de la baraque. Je colle mon oreille à un espèce de contreplaqué qui sert de trompe-l'œil pour condamner une fenêtre. Et j'entends. Oui, esprit, es-tu là? Est-ce que tu es là? Si tu es là? Fais quelque chose ou fais un bruit ou... Ouais, c'était trop tentant, alors moi j'ai tapé, tu vois. J'ai fait du bruit. Il était là, oui, alors je sais plus exactement la question que c'était, mais il disait, s'il y a quelqu'un, répondez-moi, machin, alors j'ai... Tu vois, il y a un petit coup comme ça. Et là j'entends... Oh, je prends ça pour un oui. J'étais mort de rire, comment te dire que... rigoler avec un fou rire... Sans essayer de te faire choper, c'est hyper dur. Fallait faire un rire démoniaque. Ah non, mais laisse tomber, c'était hyper dur. Et je me suis retenu, mais pendant 5 minutes. Et le mec, je l'ai laissé déblatérer un petit peu. Je me suis dit, bon, je vais pas trop en faire pour pas que ce soit trop gros. Et à un moment donné, il pose une question. Il dit, bon, vous savez, ça, ce sont mes appareils EMF, etc. C'est pour détecter des ondes si jamais vous passez devant. Et alors moi, je le voyais pas. Hein. C'est chose qu'il faut savoir, c'est que je l'entendais à travers le contreplaqué, mais j'avais aucune visibilité. Je savais pas où était le gars, je savais pas combien ils étaient. Et ouais, il se trouve qu'il pose une question du style est-ce que mes appareils vous dérangent? Est-ce que vous voulez que je les déplace? Alors moi, je fais le gars. D'accord. Vous voulez que je les déplace où? Vous voulez que je les déplace où? Alors il commence à dire là, là. Alors je me dis bah merde, je vois rien, moi je peux pas. Dans ton cul. Alors du coup j'ai pas répondu et le mec il fait bon d'accord. Vous voulez pas que je le déplace? Enfin voilà, c'était le petit truc bien sympa. Et puis en faisant le tour, il y a quatre mecs qui sont sortis de la baraque. Il y a quatre mecs qui sont sortis de la baraque. Alors là actuellement, j'attends sur YouTube impatiemment de voir une vidéo sur le domaine de Tanaïs. Pour m'entendre taper et voir la réaction du gars, quoi. Franchement, ce serait énorme. Ah, mais okay. Si je la trouve, je vous la passerai, puis on va bien se marrer. Bon, sur les 4 personnes, il y en a 2 qui sont en réanimation au CHU. Non, mais je pense surtout, c'est là où je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est là où on va voir si ils nous bernent pas ou s'ils sont francs, tu vois. En disant, ouais, c'est absolument un son paranormal. Non, en fait, c'est ma main qui tape, c'est tout. Voilà. Eh bien, quelle anecdote, mesdames, messieurs. Eh oui. Donc yes, voilà. Allez, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire toutes les news jeux vidéo de la semaine, on va faire Alan Mee, on va s'écouter du son, on va s'écouter Offspring. Ah, on en parlait. Smash. Oh. Ah, bien. Yes, et on en parlait beaucoup avec les viewers et tout, donc on va se balancer Offspring, c'est self-esteem. Self-esteem. Self-esteem. Self-esteem. Self-esteem. Après, on va se faire un petit. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ouais. Alors il y a le casque anti-bruit qui est posé sur la table hein, pour les auditeurs. Le casque qui dit c'est je leur mets un casque sur les oreilles et puis ils doivent deviner ce que je dis en lisant sur mes lèvres. Ah, d'ailleurs pour éviter de faire une tête bizarre, j'ai prévu d'amener mes lunettes parce que comme je suis myope, la dernière fois il disait mais t'as une gueule de con quand tu me regardes parce que je plissais les yeux pour dire mais qu'est-ce qu'il dit. Pas de con, de psychopathe. Hein. De psychopathe, ouais voilà. Même et donc en fait hein. Là il y a 5 thèmes. Avec les mots, vous voyez, hop hop hop hop. Donc je vous l'ai dit maintenant, il y a cinéma, jeux vidéo, mécanique, cuisine, what the fuck. Oh là là. Mécanique. Ouais. Moi, et donc en fait, ils correspondent à un chiffre entre 1 et 5. Et puis bah ça sera à vous de. Ah, on choisit le chiffre. Vous choisissez un chiffre et puis vous aurez droit à ça. Oh, ça okay. Va être comique. Et le perdant doit raconter une blague, donc commencez à y réfléchir avec l'accent belge, mesdames messieurs. Alors oh. Je ne connais ni de blague ni sais faire l'accent belge. Eh ben t'auras le temps du scud pour y réfléchir. Et puis en deuxième, on va s'écouter Java avec danser. Parce que c'est ce qu'on a envie de faire en ce moment. On a envie de sauter partout et de faire n'importe quoi. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Et sur Twitch. Et sur Twitch, et oui. Ceux qui seraient à la maison, twitch.tv, La Voix du Geek, La Voix avec un E, tout attaché. Et puis, bah, normalement, il y a une caméra qui tourne là. Alors, il y a déjà un petit peu de monde. Il y a Moumout, il y a John B, tiens, La Voix du Geek, partenaire officiel des événements paranormaux. C'est ça, nous dit John. donc voilà, n'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas à nous laisser un message aussi si vous avez bien l'image pour le coup. Ouais. Parce que là, dans la cabine, a priori, ce serait le son sur Twitch qui serait capricieux. Ah merde. Ok. Bah d'accord. Désolé, on peut pas faire mieux pour l'instant. On est arrivé une heure en avance exprès pour tout installer et tout. Donc voilà, ça ira mieux la prochaine fois. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Oh oui. Oui. Allez, on est parti. J'envoie la musique des news. On fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Qui veut s'y coller en premier? Ben allez, j'y vais. Vas-y. Yeah. Je me lance. Donc vas-y. Forcément, je vais remplacer Eiki, je vais parler de Nintendo. On a eu un Nintendo Direct il y a quelques jours, donc un peu sans surprise, tout simplement parce que il était annoncé depuis très longtemps par des rumeurs qu'il y aurait possiblement un Zelda Twilight Princess HD pour la Wii U. Donc là, c'est officialisé, c'est le cas. Ils vont sortir avec un amiibo donc de Link en version loup, tu sais, avec Midona, le petit chat avec les cheveux rouges dessus là. Ouais voilà. Donc c'est prévu pour le 4 mars 2016 et à la fin de cette annonce là, on a eu droit à j'ai peut-être exagéré mais 10 secondes de comment dire in-game footage du prochain Zelda. Voilà. Okay. Donc en gros, ils te montrent juste la caméra qui tourne autour du cheval. Et il te montre un petit champ. Donc on est toujours sur le même style graphique. Mais voilà, après on n'en sait pas plus. Ok, bon. Alors, est-ce qu'il va sortir le prochain Zelda sur Wii U, sur NX? Oui. Là apparemment ils sont en train de travailler. C'est ce qu'ils disaient, ils travaillent d'arrache-pied pour en sortir le plus vite possible. Donc à mon avis, c'est qu'ils ont quand même prévu de le faire pour la Wii U. Ok, ouais. Elle va peut-être servir à quelque chose en fait, cette console. C'est vas-y clair. Goustique, je t'en prie. Eh ben écoute, on va partir dans le cinéma et plus précisément dans le Marvel Universe et on va parler de X-Men. Alors, comme vous savez, depuis des années, le Marvel Universe s'est étendu dans les séries et les films. D'ailleurs, Jessica Jones va arriver sur Netflix dans pas longtemps, qui est un personnage il de est Marvel. Arrivé. C'est arrivé, très bien. J'ai pas encore Netflix, donc je pense que je vais l'acheter de suite. non, mais j'ai du retard, faut que je regarde Daredevil et tout. Enfin, il y a pas mal de bonnes séries sur cette plateforme. Et bien du coup, il y aura un prochain film X-Men. Alors, sachant qu'il y en aura un qui va arriver en 2016, X-Men Apocalypse. Bryan Singer, qui est le réalisateur, le premier qui avait fait les premiers X-Men début 2000, qui a lancé un petit peu la mode des adaptations super-héros, a déclaré que en gros, d'ici l'année prochaine, d'ici 2016, il va tourner un autre X-Men. Alors on ne sait pas encore si les personnages comme Hugh Jackman, mais je ne pense pas parce que Hugh Jackman a dit qu'il arrêterait Wolverine après le troisième opus de Wolverine. Bah ouais, parce que normalement c'est moi qui m'y colle. Oui, apparemment oui, t'es en pleine. C'est pour ça je me laisse pousser les ongles. Je me laisse pousser les pattes là. Bah oui. Donc toi tu fais Wolverine adolescent, c'est ça? Et du coup voilà, on ne sait pas encore si ça sera une nouvelle team de X-Men. On sait juste que il y aura aussi une série peut-être sur X-Men. Et après il semblerait qu'il y aurait peut-être, alors vu le succès de ce dernier, les 4 Fantastiques, ils voulaient faire un crossover entre X-Men et les 4 Fantastiques. Je pense que je pense que ce n'est plus d'actualité. Non non, il est vraiment mauvais hein, le dernier 4 Fantastiques. Ah ouais. Ah ouais. Mais franchement, il est si nul que ça, sérieux. Ah ouais ouais, non franchement. Bon, c'est pas grave. Je l'achèterai en Blu-ray début décembre. Oui, bah il va vite se retrouver à Easy Cash celui-là, tiens. Oh bah écoute, s'il a 10 euros en steelbook, moi ça me va. Et du coup voilà. Donc ça sera la 5e réalisation de Bryan Singer pour X-Men. Donc reste à savoir si ça sera un bon épisode ou pas. Ah mais ça fait chier quand même, Hugh Jackman qui fait plus Wolverine. Ah, moi je vais avoir du mal. Ouais. C'est comme Christian Bale avec Batman, et ben je m'y fais pas. Eh ouais, bah ils sont hyper cloisonnés dans leur perso, ouais, ouais, carrément. Et ils ont envie de sortir. Non, je comprends. Tu vas t'y faire avec Ben Affleck, t'inquiète non. pas. C'est non, comme non, le non. prochain Iron Man, si c'est plus Dwayne Junior, que moi je trouve extraordinaire comme acteur. C'est clair. Ouais. Ça va faire bizarre, quoi. Mais enfin, c'est Iron Man vraiment dans la vie. Ah oui, ah oui, ah oui, non mais vraiment, ouais. Il peut pas, enfin il peut pas. Ouais. Il peut pas. Quoi. Non non non, il va changer de, il s'appellera plus Robert Downey Junior, il va se faire Tony Stark. La classe. Et ben, allez vas-y Kogu, enchaîne. Bah moi je vais rester sur Life is Strange. Donc il a suffi que je fasse le platine pour qu'ils décident d'annoncer Dontnod qu'ils allaient sortir le deuxième. Donc voilà. Le deuxième est prévu. C'est un peu grâce à moi. Sachez-le quand même. Tout est lié. Et on va également avoir droit donc à une version boîte qui va sortir le mois de janvier, le 22. Elle est déjà précommandable sur le site de Square Enix, sur le site commercial de Square Enix. Et donc pour PC, il vous en coûtera la modique somme de 25€. Et sur PS4, la version boîte sera donc à 35€ et donc chez vous, dans tous les bons revendeurs. Donc dès le 22 janvier. Yes. Bah moi j'ai toujours pas fait le 1. Faudrait peut-être que je me réveille. Bah il est très bien. J'ai peur que de m'ennuyer un peu. Enfin je sais pas. C'est différent de ce que tu peux faire. Enfin de ce que t'as fait en tout cas jusqu'à présent. Mais c'est une vraie belle histoire. Et alors je sais pas ce qu'en ont pensé les vrais puristes du jeu. Mais moi j'ai particulièrement aimé le dernier épisode, qui est ma foi un petit peu plus court que les autres, mais qui a vraiment une direction artistique qui lui est propre. Et enfin j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de jeu un peu qui reviennent. Mais je trouve que c'est, enfin moi je m'y suis pas trop attardé, mais de ce que j'ai entendu dire, ça a été vraiment pour le coup une bonne surprise, vraiment. Parce que les gens n'attendaient pas beaucoup. C'est un studio, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait fait Remember Me, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, et exactement. Qui s'était cassé la gueule, donc c'était un petit peu leur dernière chance en fait, Life is Strange. Et c'est justement, il y avait eu une polémique à l'époque oui, où quand les premiers épisodes avaient été téléchargés de façon illégale. Ah, oui, voilà, c'est vrai. Avaient... Et ça pouvait faire couler le studio. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec un peu de recul, les gens commencent à apprécier de plus en plus ce jeu, et c'est en train de faire remonter la boîte, et c'est cool pour eux. Moi, je suis content parce que je me dis au final, c'est des mecs, ils ont mérité, je pense, d'en être là aujourd'hui. Et puis Remember Me, moi je l'ai surkiffé quoi. Moi pareil, j'avais adoré. Ah ouais. Moi j'ai pas moi ça a été le côté se confectionner ses propres combos qui m'a un petit peu gêné sur. Ah j'ai bien aimé. Ouais. Puis l'univers néo Paris comme ça. Par contre c'était super. C'était super. On l'avait eu offert par le PS Plus. Oui sur PS3. Ouais. Sur PS3. Carrément. Moi je vais vous parler de Pornhub et puis de Fallout. Ah oui. Et oui parce que le site a déclaré qu'il. Ça me fait rire parce que je sais pas si c'est vraiment lié en soi. parce que c'est peut-être pas, enfin je sais pas, mais apparemment le site donc de streaming pornographique aurait une baisse de 10% de ses visites le jour de la sortie de Fallout 4. Moi j'y crois pas. Je vois pas le lien. Alors, je vois pas. Alors après, on peut faire les deux. Je sais pas si vous savez, en même temps, mais ils ont un système de tracking pour savoir si tu es sur une Play, si tu es sur un ordi, si tu es sur un téléphone. Donc à mon avis, ils ont dû voir pour les utilisateurs console que le trafic avait dû baisser. Ah oui, ben bah oui, à mon pas avis, con, ouais. Je pense. Et oui, ben bah oui. Ah. Yes. Bon ben bah voilà, c'était juste pour en parler. Hein. Ils me regardent donc, bizarre comme si. Non, mais mobilisez-vous, retournez voir Pornhub, les pauvres. Ouais, c'est clair. Il faut y aller de la main droite un peu là. Manquerait plus que ça disparaisse. Bah écoute, moi je vais pas jouer à Fallout 4, je serai pas là la semaine prochaine, donc dès ce soir je vais aller sur Pornhub. Sur Pornhub. Voilà. Retrouver Goustic ce soir. En stream. En stream. À la maison. Yes. Vas-y, c'est bon, dis, eh ben allez, j'y vais. Je vais vous parler encore une fois. Alors là, c'est un petit peu le cercle vicieux parce que t'en parles, de tu Pokémon, dis que c'est fini et en gros ça revient. Silent Hills, encore. Ah oui, oui. Et là, je vais vous parler de Norman Reedus, donc celui qui joue Daryl Dixon dans The Walking Dead. J'ai l'impression qu'ils font un communiqué chaque semaine. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que t'as l'impression que tout le monde est frustré et tout le monde a envie d'avoir ce putain de jeu dans les mains. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que cet acteur nous a balancé. Il a dit texto, je suis super dégoûté par ce qui s'est passé au Japon, mais j'ai la foi, j'ai bon espoir que nous, les trois d'entre nous, donc Kojima, Del Toro et puis lui-même, pourront faire quelque chose d'autre. Tellement d'idées et de plans pour l'avenir ont été brainstormés que je ne peux pas imaginer que nous ne reprendrons pas les choses quelque part. Après, il dit aussi avoir été vachement étonné de l'effet de pétition qu'il y a eu derrière suite à l'annulation. Eh oui. Voilà, lui concrètement, il dit aussi qu'il y a des choses que nous n'avons pas vues, qui ont été quand même tournées, qui ont été faites. Nous avons tourné un peu avec 1000 caméras tournées vers toi depuis un million de directions différentes. Donc là, en gros, c'est pour dire que c'était la motion capture. Et nous avons fait certaines choses avec eux qui sont peut-être, je ne sais pas si elles sont dans la poubelle dans la salle de montage, mais c'est peut-être sur le disque dur de quelqu'un quelque part. On a fait quelques trucs pour le jeu, mais nous ne sommes jamais rentrés dans l'histoire principale. Nous étions sur le point de le faire quand les choses se sont écroulées. Donc en gros, il y avait quand même une bonne base, je pense, et il rentrait dans le vif du sujet quand tout a pété, quoi. Ouais. Et encore aujourd'hui, il le dit, hein, avec un peu de chance, ils parviendront à se mettre d'accord et Silent Hill se fera, ou alors nous ferons quelque chose de très similaire mais à la fois différent, je ne sais pas. J'ai bon espoir que nous arriverons à faire quelque chose car le projet donne l'impression de quelque chose qui doit se faire, c'est comme si c'était destiné, il faut que ça se fasse. Il faut que je reçoive ton jeu. Attends, il est dedans, quoi. Ah ouais, non, mais t'as mobilisez-vous, c'est très clair. Important. C'est le harmonie. Mais t'es pas potible. Tu le sens, hein. 36, 37, Silent Hills, s'il vous plaît. Autant chez les gamers que chez les personnes qui ont été, intégrées, donc, à la création, de ce jeu-là. T'as eu une hype quand il est sorti. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Ça a été quelque chose de dingue. Où pour une fois, t'as un jeu flippant qui te met mal à l'aise et qui te retourne le cerveau et où tu te pisses dessus littéralement. Et c'est pas le genre de machin. À mon avis, ça a dû être une des démos les plus téléchargées, les plus jouées. Mais oui, clairement. Mais de par le temps déjà que tu pouvais jouer dessus. C'est ça. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on le sait très bien, aussi bien Kojima que Del Toro que Norman Reedus, tous chacun de leur côté sont là en train de dire ouais bah les gars, moi je veux bien le faire. Hein, alors c'est quand vous voulez. Donc est-ce que un jour on aura droit à notre Silent Hills? On verra. J'espère. L'avenir nous le dira, comme disent les jeunes. On verra bien, comme disent les vieux. Comme dit Nekfeu. Voilà, tout simplement. On embrasse Nekfeu. Belle transition. Écoute, on embrasse. Non, on va rester toujours dans le survival horror et je vais vous parler de zombies. Ah. Vous savez, ce fameux jeu qui est, je pense, c'est l'un des indispensables sur Wii U. Ah, clairement. Ah oui, bah oui. Comme vous savez, l'été dernier, eh bien, il y a eu un portage sur PS4 et Xbox One. Oui. Et sauf qu'en fait, eh bien, il a pas trop marché par le fait du graphisme, voilà, portage Wii U PS4, et aussi par le gameplay, parce qu'en fait, si vous voulez, le gameplay était axé sur le pad et le transposer sur des manettes, eh ben il y a quelques quicks, et du coup, eh bien Ubisoft a décidé de le sortir en version physique à partir du 21 janvier 2016, donc je pense au même prix, dans les 20€. Reste à savoir s'il y aura des bonus, je ne sais pas, un petit steelbook bien classe. Mais et Goustic et les steelbooks, quoi. Oui, non, mais moi, franchement, je kiffe les steelbooks, mais ça, tout le monde s'en fout, on est à la radio. Mais du coup, voilà. Donc, si vous avez envie de tester ce jeu zombie, que moi, personnellement, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas eu la chance de le tester sur Wii U. Certes, graphiquement, c'est pas top, mais je trouve que c'est un survival horror assez sympathique. Voilà, donc rendez-vous le 21 janvier 2016, ou sinon vous pouvez encore l'acheter sur le PS Store à 19,99€. Oui, voilà. Yes. Ben moi je l'ai lancé, j'aime bien quoi. Après c'est voilà, c'est pas un truc de ouf, mais j'aime bien. Ah non, bien sûr, mais bon après moi, pour 20€, je trouve qu'il vaut son prix, ouais. Et puis mais c'est vrai que ça marchait bien sur Wii U. Okay, le fait de quand tu mets pause, de regarder le gamepad, de faire c'était un petit flou les trucs. C'était vraiment flippant, t'étais dans le stress. Je me rappelle encore des passages où tu te retrouves t'as une porte fermée avec un digicode et t'as trouvé 3 chiffres sur 4. Donc forcément t'es obligé de tous les tester jusqu'à tomber sur le bon. Sauf que au moment où tu commences à vouloir ouvrir ta porte, eh ben t'as les zombies qui arrivent en arrière-plan et là t'as un stress parce que tu te dis il faut que je le trouve ce code, il faut que je le trouve. Et voilà. Donc ça effectivement quand tu le sors de la Wii U, je pense que t'as plus ce jus là. Ben ouais. C'est ça qui est dommage. Carrément. Kogu, vas-y. Alors moi je vais juste reparler pas d'Hideo Kojima mais de Konami. Konami, alors qu'ils viennent de faire donc une annonce, un partenariat un petit peu spécial, ce qui moi me fait penser en fait non, mais que le jeu vidéo rejoint aujourd'hui la réalité, c'est en chemin inverse, parce qu'en fait ils se sont mis en partenariat avec une demoiselle, donc pour pas dire de bêtises, elle s'appelle parle bien dans ton micro, Sophie Kogu. De Oliveira Barata, qui est prothésiste. Oula. Cette prothésiste s'est fait connue un petit peu pour son côté un petit peu artiste et sur les prothèses qu'elle fabriquait. Et ils sont en train, en fait, avec eux, de travailler sur une prothèse qui serait, alors, pas complètement la réplique, mais qui serait faite sur cette base-là du bras de Metal Gear 5. Ah ouais, la classe? Enfin, la classe, bon, c'est... Bon, bon c'est un vrai but et donc ça ne va pas être la réplique, ça va être un modèle unique et donc c'est un jeune homme du nom de James Young qui va en être l'heureux bénéficiaire et qui sera donc le premier à porter donc une prothèse notamment développée en collaboration avec Konami, un petit peu comme Phantom Pain. Voilà, ouais, c'est pour le même bras. Je sais pas pourquoi mais une fois que le gars va avoir la prothèse, tu verras 2 jours plus tard dans les journaux, le gars s'est fait arracher le bras, quoi. Le mec, il l'aura planté dans sa chambre, il l'aura mis sur une étagère. Ben, moi, en lisant ça, tu vois, ça m'a fait penser un petit peu à Deus Ex. Maintenant, on y est en plein dedans, donc avec des organes augmentés, et ben donc voilà, ça y est, Konami est sur le projet, donc pas de Silent Hill. On peut pas être partout, voilà. Hein. Yes, moi je vais vous parler un petit peu du pass de saison de Battlefront. Magnifique traduction. En fait je dis ça parce que sur le jeu en fait il y a un encart sur le menu où c'est traduit. Donc le season pass est devenu le pass de saison en français. C'est très con. Voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc on sait ce qu'il y a dedans. On rappelle quand même qu'il a 59€, je crois, ou 49. 50. 49. Donc c'est très cher, c'est le prix du jeu presque. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une émote exclusive, mesdames, messieurs. Oh là là. C'est un truc de ouf. Oh. Qu'est-ce que c'est qu'une émote? Je vais expliquer pour les auditeurs. Il se claque la fesse. C'est quand ton personnage il fait un geste de victoire ou de défaite à un autre. Genre il fait coucou ou il fait un doigt d'honneur, peu importe. On a ça et c'est quand même pas rien. Je pense qu'on en a déjà pour son argent là, tu vois. Ensuite, on a 4 guests supplémentaires. Donc 4 personnages jouables. Les 4 musiciens de la cantina. Ouais, l'amiral Akbar, tu vois, ce serait top. Ça serait cool, quoi. L'amiral Akbar, ce serait top. On a 16 cartes en multi avec des nouvelles planètes. Ça, c'est ce qui fait le plus peur. Parce que le jeu, moi, pour l'avoir depuis ce matin, ça tourne très vite en rond. Je crois qu'il y en a que 3 ou 4 sur le jeu en lui-même. Donc s'ils en balancent 16 en DLC, c'est quand même des enfoirés, quoi. On sait qu'il y aura 4 modes de jeu en plus. Je vais pas rentrer dans les détails, on en parlera plus longuement dans l'émission qui sera sur Battlefront. Il y aura 4 modes de jeu en plus, il y aura 20 pièces d'équipement de véhicules et d'armes. Donc c'est les petites pièces qui traînent un petit peu sur les maps et qu'il faut ramasser pour avoir le Faucon Millennium entre autres et pas mal de choses. Et on aura 2 semaines d'accès anticipé pour chaque DLC, donc on aura le droit de jouer 2 semaines en avance avant les autres au DLC, quoi. Et moi je dis ça vaut quand même son prix. Non, c'est pas vrai, je déconne. Ah ouais, putain, tu m'as fait peur. Hein. Ouais, là, non, faut quand même pas déconner. Donc voilà, moi j'ai assez peur de la durée de vie du jeu en soi. Oh non, ça y est. T'as pris le virus acoustique. Ah oui, merde. Ah non, mais attends. Non. Aïe, aïe, aïe, aïe. Attendez, la semaine dernière, Eki a fait pas mal de 11 fois. Je l'ai compté avec mes doigts tellement que j'en avais plus. Et voilà. T'as compté avec ta bite donc. Oui, aussi. Mais avec mes poils de bite. Ouais, tu sais, il est bouche là. Comme ça. C'est mon dieu, c'est bien. Peggy 18, quoi. Mais yes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les quelques news qui nous restent après le Scud? As you want. Moi, allez, bon. On a le temps. En plus, ce soir, faut pas être à la bourre. Hein. Ouais. À 20h30 pile, on décroche parce qu'il y a les acoustiques qui on font. On est dans la Fuego à 31. C'est ça. Ok. Qui font l'émission. Donc, faut être à l'heure ce soir. Et ben voilà, on va s'écouter Offspring. Et puis ça, ça va faire du bien. Donc, ça montez le son chez vous, poussez les meubles. Ouais, grave. Détachez-vous les cheveux et secouez la tête. Voilà. Bon, ça va être dur pour moi. Et pas le contraire. Pour aussi. Attachez-vous pas la tête et secouez-vous les, la... non, c'était quoi? Ou le contraire? Vous m'avez compris. Oui. Ça, ça veut dire, envoie le scud, mon con. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio et nous on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. We'll be right back. Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio sur 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Allez, on est de retour, on est toujours en direct, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio, 411.3 en Aquitaine et sur eau de radio.net pour le reste de la Gaule. Dans un instant, le test de Call of Duty Black Ops 3, mesdames, messieurs. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on finisse une petite news ou deux ou qu'on fasse tout de suite un qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, tu sais bien, on n'en peut plus du qu'est-ce qu'il dit, allons-y. Bah oui, allez, c'est parti. Let's et puis go. Tiens, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous rejoindre, on stream en même temps, on est en direct sur Internet, on en vidéo. On dit au revoir à Moumout, hein, qui rejoint sa belle-maman pour dîner ce soir. Oui, oui, carrément. Au revoir Moumout. Bisous Moumout. Attendez, je vais essayer de lire un petit peu des messages. Vous pouvez nous laisser des messages aussi sur Twitter. Alors, on se fout de ma gueule parce que je faisais pendant le disque semblant de faire de la batterie. Ok, merci Skirt. on avait préparé une petite bande son en plus pour le jeu. Alors faut que je la retrouve. Elle est là. Hop. Hop. Alors je vais rappeler un petit peu aux auditeurs ce que c'est que la règle du qu'est-ce qu'il dit. Oh, cette musique de ouf. Ah j'adore. Pour ceux qui moi se demandaient... je suis vraiment fan. Hein. Ah ouais mais on sait. Mais pour on de sait. Vrai. Hein. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Ah. En fait, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que le casque qui dit, en fait, on a un casque anti-bruit et chacun leur tour, ils vont le mettre sur leurs oreilles, hein, évidemment. Et puis moi, je vais essayer de leur faire deviner des mots en même temps qu'ils lisent sur mes lèvres. Voilà, c'est à peu près ça. C'est beau. En fait, il faut que j'enlève mon casque parce que j'ai pas de retour dedans vu qu'on envoie le signal dans la truc. En fait, j'entends rien, du coup, ça étouffe et je m'entends pas. Voilà. Je vous raconte un peu ma vie. Alors, ce qui va se passer. C'est qu'il va falloir que vous tiriez au sort un thème. Je rappelle les thèmes pour ceux qui nous rejoindraient. Il y a cinéma, jeux vidéo, mécanique, cuisine, what the fuck. Et donc ils correspondent à un numéro. Hop. Et puis bah vous me dites un numéro entre 1 et 5 et puis je vous dirai quel est le thème. Voilà, okay, mesdames, messieurs. Très bien. Donc qui veut commencer? Allez, moi. Et le perdant racontera une blague avec l'accent belge. Oh, et voilà. Et j'en étais sûr. Et pendant le Scud, ils ont rien foutu. Mais non, on a dansé comme des fous. Ils ont bougé leur booty comme on des tarés. On a pogoté à mort. C'est ça. Alors, c'est toi, Gusty, qui commence? Allez, vas-y. Alors, il faudrait que tu mettes le casque anti-bruit et que quelqu'un coupe les retours qui sont juste devant. Alors, et avant, choisis un numéro entre 1 et 5. Oh putain, et attends. Si tu tombes sur le what the fuck direct, mon gars, mais ce sera un truc de ouf. Ok. 3. Ok, le thème c'est mécanique. GG. Alors faut lui dire, je crois qu'il a pas entendu. C'est mécanique. C'est mécanique. Oh, okay. Oh putain. C'est mécanique. Ah oh, bah ça te va bien hein. Alors attends, je vais m'écarter un petit peu comme ça. Est-ce que tu vois bien ma bouche? Ah bah je suis quoi, il m'entend plus. Putain, mais c'est horrible, j'entends rien. Alors c'est pas grave. Ok. Embrayage. Embrayage. Montre ta bouche, attends. Il la voit pas. Embrayage. Coquillage. Oh, pas loin. C'est vrai qu'en plus, coquillage, c'est du... C'est de la mécanique. C'est le champ lexical de la mécanique. Attends, vas-y, répète. Alors, en plus, attends. Ok, ok. J'ai même pas calculé le temps. Alors, on recommence. T'as une minute. C'est parti. Embrayage. Embrayage. Embrayage. Oui, joli, bravo, un point. Courroie. Courroie. On voit pas ta bouche. Courroie. Eh mais faut que je parle aussi qu'on m'entende. Courroie. Courroie, joli. Ah celui-là je l'aime bien. Essuie-glace. Essuie-glace. Tétilage. Téléthon. Moustique qui nous a vendu. Essuie-glace. Équilage. Essuie-glace. Essuyage. Passe. Ok. Rétroviseur. Rétroviseur. Oh, joli, joli. Non, 3. Gasoil. Canoil. Putain, il est con. Gasoil. Gasoil. Joli. Oh. Allez, allez, le dernier, embrayage. Embrayage. Joli, bah voilà, ah t'as trouvé. Okay. Alors, c'était, par contre, c'était pas le premier mot, embrayage? Si. Non, c'était le deuxième. Non, il l'avait pas trouvé, il l'avait passé. Okay. Il faut que tu enlèves ton casque, ouais. Et que tu remettes l'autre. Sans deck. Ah, mais tu m'as entendu? De quoi? Ils sont bien baissés les... Il est éteint. J'ai éteint le retour. Mais non, t'as fait le geste avec le... Ah oui, ok. Donc t'en as trouvé 5. D'accord, ok. Ok, attention, hein. Qui veut qui s'y colle? Allez, Kogu. Je passe en dernier. Oh, Attends, enlève le casque. Enlève-le. Il faut que tu choisisses le thème. Ah. Mais comment il fait pour m'entendre? Mais tu me dis de machin, donc je l'enlève, je vois, tu fais ça. Il faut que tu choisisses un numéro. Le test, je sais pas, mais je dois pas tirer au sort. Si. Mais tout sauf le 3, en fait. Tout sauf le 3. Je sais pas, le 4. Yes! Et merde. Allez, c'est le thème what the fuck. Allez, c'est parti. Attends, je te compte une minute, c'est parti. Ah, attends. C'est quoi, du coup, le thème? What the fuck. Ah ben voilà, d'accord. Alors, c'est parti. Motus. Motus. Motus. Joli. Zizi. Zizi. Di. Zizi. C'est chaud parce que tu. Gilly. Un gilly. Zizi. Gilly, gilly. Zizi. Tu peux décaler de ton micro? C'est très radiophonique tout ça. Zizi. Ah, zizi. Yes. Ah ben tu vois, dès que tu mets pas le micro, je vois ta bite. Allez, celui-là, il est magnifique. Kourou koukou koukou kou stache tache. Oh non. Oh l'enfoiré. Oh le salaud. Kourou koukou loukoukou stache tache. Mais attends, mais c'est un mot qui est long comme ça. Kourou koukou loukoukou stache tache. Anticonstitutionnellement. Non, c'est pas ça. Pas loin. Allez, je t'en fais un autre. R2D2. R2D2. R2D2. Joli. Allez, on fait le dernier, il te reste 30 secondes. Non, même pas, 15 secondes. Koulou koukou, lou koukou, stache tache. Koulou koukou, lou koukou, stache tache. Je veux pas, bisou moustache. pas loin. Allez, t'as plus le temps. T'as plus le temps. Pas mal. Alors, t'as trouvé Motus, Zizi, R2D2. Vas-y, c'est bon. Il a pas entendu. Remets le casque. Remets ton casque. Yes. Bon, en fait, t'as trouvé Motus, Zizi, R2D2, et c'était Koulou Koukou, Lou Koukou, Stache Tache. Bah, bien sûr. Bah, je l'avais là. Il était facile pour toi. Bah, oui. Putain, attends, je vais chercher des blagues belges. Alors, du coup, Goustique a 5 points, toi t'en as 3. Allez, c'est à Dandy maintenant. Le 2. Le 2. Allez. Et c'est quoi? C'est cuisine. Ah, oh, ça va. Ça se tente. Allez, c'est parti. Chantilly. Putain, Clément, il fait des tests. Champignon. Chantilly. Chantilly. Chantilly, c'est bon. Chantilly. Soupière. Décale un peu. Soupière. Soupe. Soupière. Soupir. Soupière. Soupière, joli, 2 points. Yaourt. C'est quoi, si vous le voyez sur le stream et la tête qui fait quoi. Yaourt. Avec la musique, c'est magnifique. Yaourt. Yaourt. Yaourt, c'est bon, t'as 3 points. Bon Kogu, hein. Attention. Brocoli. Je te vois pas. Brocoli. Brocoli. Joli. Et le dernier. Framboisier. Oh, la tête qui fait, il fait flipper. Framboisier. Fraisier. Framboisier. Et là, je vois pas ta bouche. Framboisier. De toute façon, t'as plus de temps, là. Framboisier. Il a dit quoi? Ouais, il a dit, Ah, yes, c'est bon. Bah, celui-là, il compte pas, t'avais pas le temps. Bon. Yes, et bah, c'est bon. Kogu qui s'y colle. Mais... Ah, mais il a tapé blackbelge.com. Ah, bah oui, mais j'en suis sérieux. Déjà, je connais pas de blague. Je sais pas faire les accents et encore moins les belges. Oh, mais pour sûr, mon cher Kogu Masa, là. Alors après, c'est pas obligé une blague belge. C'est avec l'accent. Non, avec l'accent. Bah écoute, bah, on va rester dans le thème. Allez, vas-y. Je découvre la blague en même temps que vous. Ah. Et l'accent aussi. Et l'accent aussi, je le découvre maintenant. Alors, une dame belge de très forte corpulence demande à son médecin. Je suis désolé. Docteur, je voudrais perdre 30 kilos. Que faudrait-il que je fasse? On a deux doigts de l'allemand. Ouais, nazi, c'est ça. Il y a Papa Schul, c'est Benoît Poulvard. Je suis désolé. Enfin, tous mes amis belges, que d'ailleurs j'en ai pas. Si un jour je vais essayer d'en avoir. Ça pense à la fricadelle. Donc, c'est pas très bien compliqué, madame. À partir de demain, vous prenez 2 biscottes avec une tasse de thé sans sucre quand vous vous levez. 3 biscottes avec une tasse de thé sans sucre à midi et 2 biscottes avec une tasse de tisane sans sucre le soir. Vous faites ça pendant 2 mois et vous aurez perdu vos 30 kilos. Et donc, ah, c'était pas la chute. Donc la madame de lui répondre, oui, mais docteur, je prends ça avant ou après les repas. Voilà. Waouh, waouh. On peut l'applaudir, on l'applaudit. Je m'applaudis tout seul. Tu peux t'applaudir aussi, oui. Eh ben c'était une belle blague de merde. Je suis pas prêt de faire Namur avec quelqu'un là-bas. Non, c'est sûr. T'es, ouais. Puis le One Man Show, il s'éloigne un peu. Oui, un peu. De toute façon, c'était pas prévu, donc bon. Il nous reste un peu de temps. Moi, j'avais quelques news encore. On va parler de Naughty Dog un peu. Tiens, Naughty Dog qu'on connaît bien pour Jak and Dexter, Crash Bandicoot, oui. Uncharted et plus récemment The Last of Us, on va dire. Donc, on sait qu'ils travaillent sur Uncharted 4. Et là, en fait, un des hauts placés de Naughty Dog a avoué que il y aurait encore qu'un seul jeu sur la PS4 venant de leur studio, quoi. Donc, à votre avis, en plus hein, d'Uncharted 4. Hein. Mm. Donc, dans l'idée, moi, je pense peut-être pour The Last of Us 2. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ce sera assez ouf parce que sur la PS3, on a quand même eu Uncharted 1, le 2, le 3, The Last of Us. Ouais. C'est quand même 4 jeux. Et sur la PS4, ils en feraient que 2. Après, reste à savoir que ça peut être une nouvelle licence aussi. Ça peut être une nouvelle licence. Avec la musique, c'est du plus bel effet. J'avoue. Non, ouais, une nouvelle licence. Ouais, une nouvelle... Non, moi, j'y crois pas trop. Je pense plus que c'est effectivement du Last of Us 2. Non, mais déjà, c'est plus probable. Déjà, je pense, enfin, The Last of Us 2, il est programmé parce qu'il y avait quelques mois de ça, il y avait un game designer, il avait mis à jour son profil LinkedIn et il y avait dans son parcours professionnel un moment où il avait travaillé sur The Last of Us 2. Donc après, reste à savoir s'ils avaient mis en stand-by pour parce que je sais qu'ils préparent le film The Last of Us aussi. Je sais pas. Moi, je dirais plutôt une nouvelle licence ou alors une suite, je sais pas, de Jak et Dexter, je sais pas, j'en sais rien. Donc. Alors ça, pour au sujet de Jak et Dexter, ils ont clairement dit qu'ils travaillaient pas dessus du tout. Hein. Ouais. Ouais. Après. C'est dommage, hein, parce que maintenant. Y a de quoi faire, franchement. Ouais. Est-ce qu'il avait vraiment demandé cette licence par les fans? Oui, quand même. Ouais. Attends, quand tu vois Ratchet, bah ils sont sortis en même temps. Quand Ratchet Clank et Jak et Dexter, l'univers est assez similaire, mais bon après. J'aimerais bien quoi. Mais... Dites-nous tiens sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous verriez comme jeu de Naughty Dog? Comme ça, je dirais vos messages. Ou sur Twitter, hein, n'hésitez pas. Si vous êtes chez vous, que vous n'avez pas le stream, n'hésitez pas. Moi, je pense hein, clairement pour The Last of Us 2, sachant que voilà, c'est un univers qui est quand même assez pas ouvert, mais voilà, c'est l'histoire est assez les zombies. Enfin, il y a voilà, tout est prétexte à une invasion zombie, je dirais, hein, surtout en ce moment. Donc bon. Ok, bon, on verra. Et puis j'avais autre chose aussi, je voulais qu'on parle de Star Fox Zero. Parce que bah, on a vu du gameplay justement. Est-ce qu'on doit en parler vraiment? Bah oui, et qu'est-ce qu'on y voit là-dedans? Bah pas grand-chose. Star Fox Zero, c'est un jeu qu'on avait essayé nous à l'IDEF. Ouais. Qui était vraiment, mais vide à souhait. Et là, les dernières vidéos, mais sont bah, aussi vides en fait. Alors qu'est-ce qu'ils font chez Nintendo? Je sais pas, peut-être qu'ils travaillent sur les particules de météorites qui sont disséminées au nombre de 3 ben sur ouais. 10 km carrés, donc je sais pas. Mais ce qui est ouf, c'est que quand tu vois ce qui se fait chez la concurrence, quand même, Star Fox, il va piquer, quoi. Bah ouais, mais bon, là encore, je pense que ça va être une licence plus pour du fan service, les mecs qui sont fanas. Ça va jouer après, sur ça va jouer sur les souvenirs, ouais, voilà. Ouais, donc, voilà, pour les nostalgiques, tu sais, c'est comme un bon petit remaster. Bon, bah, là c'est pareil. Je pense pas qu'il y ait vraiment de la clientèle et qu'ils deviennent accro à Star Fox avec ce jeu-là. Enfin, ça peut arriver hein, mais j'ai un doute. J'ai un doute et puis je pense que clairement la Nintendo étant donné qu'ils sont ils ont toujours été tout seuls à travailler dans leurs locaux, tu sais, ils délèguent pas trop, ils font tout de limite tout à la main quoi. Ouais, crayon papier vrai. Et ils font jamais appel enfin si quand même à des studios extérieurs mais ils font tout tout seuls et c'est pour ça que ça met du temps. C'est pour ça que des fois il y a des trucs qui sont pas forcément bien parce que je trouve qu'ils sont peut-être pas forcément assez ouverts aux choses qui se font partout dans le monde. Et ouais après écoute je pense que là ils travaillent plus d'arrache-pied sur le prochain Zelda. Star Fox bon voilà, c'était pour combler un peu. Ouais, bah c'est dommage quoi. Bah ouais. Alors après ils nous ont survendu le truc gameplay asymétrique avec le gamepad. Nous pour l'avoir essayé, franchement le gamepad ça rajoute pas grand-chose quoi. Bah t'as juste la vue cockpit. Ouais, enfin bon, c'est naze quoi. Bah oui clairement. Ça ajoute rien de cool. Okay. Après, je pense qu'ils ont repoussé aussi parce qu'ils savaient que face au carton de fin d'année, ils allaient peut-être pas pouvoir tenir. Et parce qu'ils ont dû se rendre compte des critiques comme quoi c'était pas super bien rempli, que le jeu était peut-être pas forcément bien fini. Après, si encore aujourd'hui le jeu semble toujours aussi vide, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Hein. Je sais pas, même s'ils comptent faire d'autres trucs, mais. Enfin voilà, c'est dommage. Ouais, tu vois sur le chat, on nous dit pareil, Jack and Dexter, ça ferait plaisir. The Last of Us 2, on nous dit c'est probable, c'est sûr même. De toute façon, il est en développement, c'est certain. Ah oui, oui. Bon voilà, c'est un peu mitigé. Qu'est-ce qu'ils disent ? Vous pensez quoi de l'ajout de Cloud de Final Fantasy dans Smash Bros ? Ah, c'est le cas ? C'est officialisé ça ? Ouais. Bah je pense, hein, parce que c'est l'amical du geek qui nous demande. Eh ben, comme tu peux le constater par ce grand blanc, je crois qu'on est tous hyper motivés. C'est Cloud qui vient de passer. Et ça nous parle vachement, quoi. On est trop heureux. Ouais. Yes, bon, on enchaîne, on s'en fout. Y a une pétition qui circule actuellement sur Street Fighter V. En fait, c'est Eiki qui nous en a parlé la semaine dernière. Ah oui, exact. En fait, pour revenir un petit peu sur l'histoire, en fait, il y a un des personnages qui s'appelle Mika qui, après un espèce de combo brutal ou quoi, son finishim, elle se mettait une petite claque sur la fesse et au final, ça avait été censuré. Ils avaient décalé un peu la caméra pour qu'on la voit plus faire, en fait, plus précisément. Et en fait, il y a une pétition sur Internet qui circule pour que ça redevienne comme avant. On veut voir la fesse. Mais c'est ça. Alors, est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi ? Un peu, ouais. Je sais pas. Mais tu sais, après le nutscaping, moi, je plus rien. Hein. Après oui, le c'est quoi ? Le nutscaping. Alors, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le nutscaping ah, oui, pour moi, les auditeurs ? Bien, ouais. Ouais, je veux bien quoi, aussi. Pas au courant de cette nouvelle mode Ah oui, si. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je sais ce que c'est. Okay. Voilà, le nutscaping. Ouais. D'où le fait de prendre une photo magnifique d'un joli panorama, tout en laissant transparaître... quel endroit on veut, hein. Généralement c'est plutôt vers le haut des photos, un testicule. Ah oui, oui. C'est du photobombing, okay, mais version couille. C'est ça. Ça pourrait faire de beaux calendriers. C'est dit avec tellement de poésie. Voilà, c'est ça. Ok, bon bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour, il nous reste pas mal de temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que vous voulez qu'on parle de Call of maintenant ou qu'on parle un petit peu de Battlefront ? Bah écoute, moi j'étais chaud pour qu'on se fasse un petit rami, mais... Ah ouais ? Comme tu ouais. veux. Ou alors un 7 famille. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. 7 famille. J'ai le 1000 bandes dans la voiture si tu veux. Okay. Okay, non, bon, on peut parler de Call of. Allez, c'est pas grave, j'ai balancé la bande son. En fait, le qu'est-ce qu'il dit a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Vous avez été plutôt efficace. Ouais, pas trop. En même temps, c'est une minute que tu nous laisses. Oui, c'est vrai. J'aurais dû laisser plus. On va se mettre la bande son de Call of et puis on va faire un petit point sur l'histoire. Et c'est Goustique qui va s'y coller. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, si tu veux. Non, mais en fait, j'ai pas trop compris en fait l'histoire. Donc, enfin, j'ai été vraiment concentré par le gameplay. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu tiré par les cheveux et c'est assez spirituel dans certains passages, quoi. Donc, après, si tu as l'histoire, je t'en prie, l'infernal. Non. Non, très bien. Ok. Bon, après, travaillé. C'est développé par Treyarch. C'est interdit au moins de 18 ans. Ça se joue à 4 joueurs sur le même écran et ça, c'est assez rare pour être souligné. Ouais. On peut faire la campagne à 4. Alors, fait étrange, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de l'histoire, quand on installe le CD, on n'installe pas le jeu, en fait. Il faut installer au tour à tour la campagne, le mode zombie, indépendamment, et le multijoueur. Ah bon ? Ouais, bah ouais, parce qu'ils sont, à mon avis, clairement, ils se sont dit... En fait, c'est sûr même, il y a énormément de gens qui ne jouent pas la campagne des Call of. Ouais. Et donc, bah, tu t'installes un petit peu ce que tu veux au final, je pense. C'est un peu l'esprit et toi, ce qu'ils sont dit, quoi. Ouais, c'est le jeu en kit, quoi. C'est un peu ça. Ok. Au final, ce qui est pas si mal, si tu veux jouer Du coup, ce qu'ils devraient faire, si tu veux pas, à la limite, la campagne solo, ils devraient pouvoir faire, télécharger que ça pour, bah, moindre prix. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la campagne, et bah, comme dirait notre Goustique National, bah, c'était une bonne surprise. Non, mais moi, ouais, j'ai rien, franchement, j'ai passé un très bon moment. Franchement, ça envoie le pâté. En plus, en coop à 4, mais alors c'était terrible. Hein. Donc, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est décousu, mais au possible, ce Call of. Sincèrement, on rentre dans les. Tu vois, on n'était pas si loin quand on avait fait l'épisode Retour vers le futur. On parlait que on pouvait rentrer dans le cerveau et tout. Et ben, on n'est pas si loin de ça finalement, parce que, et ben, on voyage un petit peu dans les méandres du cerveau d'un personnage, et c'est bien barré, quoi. C'est vraiment barré. Il y a des moments où on se retrouve. Le truc, c'est qu'ils ont mélangé beaucoup de choses. C'est un peu le problème, c'est que tout est mélangé. Ouais. Il y a du. Attends, on a noté. Il y a du Chappie. Au niveau des mechas, voilà. Il y a des robots qui ressemblent à Chappie. Il y a un niveau où c'est. Je sais pas si vous avez vu le film Dread. Dans l'espèce d'immeuble tout carré là, où se passe la moitié de l'action dans la cour intérieure. Il y a un niveau avec Dread. Il y a des espèces de boules sur le sol qui font penser à Battleship. Le film avec des espèces de roues dentées qui tournent. Il y a du Terminator. il y a du Inception. Ah oui. Et tout ça, ils ont tout mis dans un shaker, ils ont tout mélangé, et du coup, ça donne une campagne, mais un truc de dingue. Il y a, alors bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoilé, mais il y a un peu de zombies dans la campagne. Tu, à un moment, tu cours, tu te retrouves propulsé, genre Seconde Guerre mondiale, dans un village, dans en montagne, et il y a tout un pan de du décor qui se redresse, comme dans Inception. Ça, ça rend bien d'ailleurs. Hein. Ah je oui, vois non. Dandy, il boit mes paroles, mon pote, c'est un truc de Office Coach depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est pas si mal en vrai. Ben là, franchement, la campagne était assez variée parce qu'il y avait beaucoup de décors. Je m'attendais de la part d'Activision une monotonie au niveau des du graphisme. Et franchement, on sent vraiment qu'ils sont fait plaisir, mais à donf. On sent vraiment qu'il y a eu une grosse liberté et qu'ils sont pas cantonnés, ben, la guéguerre, machin, le terrorisme et patati patata. Là, c'est très what the fuck à certains passages, comme l'a dit l'Infernal. Et d'ailleurs, ce passage-là où on est dans un village en plein de Seconde Guerre mondiale, il y a un personnage, quand vous allez le voir, ça fait un peu Dr. Manhattan dans Watchmen ou X-Men. T'as l'impression, ben voilà quoi, je domine tout le monde. Et il puis, survole en fait la scène. Mmh. Il survole, il vole quoi dans un halo de lumière. Ouais. Et voilà, il survole. Il y a énormément de clins d'œil quoi, à plein de films quoi. Pour la petite histoire, dans l'idée, on est un petit peu après. Ça reste un Black Ops, donc ils sont liés. C'est un peu un triptyque en fait, les Black Ops. On suit toujours des mecs bien précis, un peu torturés. Et là, on s'est un peu mélangé avec Advanced Warfare dans le sens où les soldats sont un peu augmentés. Ils ont des armures un peu et donc là, ils ont des pouvoirs. Ils ont une espèce de truc qui s'appelle le EIM et en fait qui leur donne un peu des bah, pas des super pouvoirs, mais pas loin. Donc ça c'est assez what the fuck, mais au final ça marche plutôt bien. Il y a énormément de moments où t'as l'impression de jouer à Crysis en fait. Ouais. La campagne se rapproche vachement d'un Crysis quoi. Ça y ressemble un peu. Et puis au final on doit, alors les missions sont assez classiques en soi, c'est toujours le même principe. On arrive, on est largué à un endroit, on doit aller, c'est comme on dit, pas expatrié mais on doit récupérer quelqu'un et puis le comment... Non, pas les litroyer. Attendez, je cherche le terme. L'ex-filtré. Ah, mais oui. Voilà, c'est comme une ex que tu filtres. C'est ça le truc. Voilà, tu dois l'ex-filtrer. Donc c'est un peu tout le temps pareil et puis au milieu de chaque niveau qui sont assez longs, t'as un boss, donc un gros méca géant. Il y a un petit principe pour l'avoir qui est pas inintéressant. On va en parler juste après. Alors après pour l'histoire, c'est à peu près tout parce qu'on va pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué pour de vrai. Il y a une grosse pirouette à la fin, on va pas dire ce que c'est, mais c'est bien barré, franchement, ils sont lâchés quoi. Mais ça fait bien plaisir parce que comparé à la réputation qu'a Activision depuis pas mal d'années, et puis nous on est les premiers à troller un petit peu, à lâcher oh, Call of Duty, bon ça fait comme une vache qui regarde un TGV, genre on en a rien à foutre. Et non mais c'est vrai. Et, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Non mais il faut le dire. Il faut en dire soi, la vérité. En soi, c'est vrai. En soi, c'est vrai. Voilà, c'est mon premier en soi de ce soir. Honnêtement, moi je le conseille hein. Vraiment, c'est déjà pour l'expérience, pour le gameplay, puis le voilà, le fait que tu peux faire la campagne avec tes potes quoi à 4 malgré que à certains moments tu sens que quand t'es à 4 et ben t'es un peu comme dans une boîte avec plusieurs sardines. Oui, alors on va en parler de ça. Il nous reste 30 secondes avant de faire le jouer en coop avec Goustique. C'est toujours un grand moment. C'est devenir son médecin traitant. Oui, c'est vrai. Et alors, Goustique est magnifique dans le sens où. J'étais en mode commando en plus. Ah ouais, non mais genre t'es dans un endroit, c'est dégagé. Face à toi, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent. Tu te mets en visée et Goustique il se met devant toi. Et donc tu vois sa nuque en fait. Et t'es là, alors tu te décales. Voilà, il faut un petit peu penser au chien dans Fallout qui s'allonge dans les pas de porte. Merci. Merci pour la comparaison. Non mais c'est vrai. Je suis le toutou de la voix du geek. C'est Goustique Anigou quoi. Yes. C'est ça. En parlant de ça, tiens, de Fallout, il y a Raptou qui vient d'arriver sur le chat. Hey, et qui s'en va. Raptou. Eh ben, je vais lire vos messages pendant qu'on s'écoute le scud parce qu'il est 20h et c'est l'heure. Et oui, mesdames, messieurs. Alors, je coupe la bande son de Call of. Hop, hop. Et puis là, on va se mettre un morceau. Ça a l'air un petit peu triste au début, mais ça invite à faire la chouille et à faire la teuf bien comme il faut. Donc, n'hésitez pas. Poussez le son chez vous. Faites-vous plaisir. Si vous nous écoutez en voiture, c'est encore mieux. Balancez les watts. Ouais. Faites-vous plaisir, quoi. On est OK? It's allez, okay. Les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio. Et nous, on revient juste après Java et danser. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3.

t'embrasse. J'ai remarqué les mecs portent de plus en plus des tongs. Je me sens moins seul. Ah, alors ça, c'est un message pour Kogu, je pense. Ah bon? Ah, quoi? T'es en tongs? Non, pas ce soir. Ah. Il est venu habillé ce soir. Ouais. Il s'est mis en tenue, quoi. Alors, on est en train de parler de Call of Duty. Il nous reste une petite vingtaine de minutes avant la fin de l'émission. On va se remettre la bande son. On est en train de parler de Call of. Et on parlait un petit peu de la campagne qui justement peut se faire à 4. Ouais. Et on se moquait un petit peu de Goustic. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est bon. On a assez habitué, mais on peut se réanimer entre nous. Et ça, oui, c'est bien. Alors attendez, il y a Kogu qui arrive en courant. Ah non, c'est bon. C'est bon. On peut se réanimer entre nous, et donc voilà, c'est assez marrant parce que ben voilà, ça me fait beaucoup penser à Magic à 2. Heureusement qu'il n'y a pas un bouton pour appeler le mec genre hey oh, hey oh, oh hey oh, parce que c'est la guerre, quoi. C'est un peu le bordel. On va faire un petit point sur l'univers, parce que comme dans tous les Call of, ça me fait un peu souvent c'est penser la guerre. c'est la guerre mon colonel. Voilà. Ça me fait un peu penser à James Bond. C'est des jeux où on voit du pays. Donc là, ça se passe un peu partout. Il y a du Singapour, il y a Zurich. Oui. Ça finit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le futur. Hein. C'est dans le turfu, comme disent les Legends. Donc voilà, il y a des robots partout. L'univers est assez particulier dans le sens où, moi, je trouve que ça fait un petit peu le Killzone du pauvre. Alors, je sais que je ramène beaucoup de FPS à Killzone, mais on va pas se mentir, il a mis quand même une base. Ouais. Ouais, graphiquement. Et pourtant, il est sorti dans les premiers. Hein. Bah, c'était le jeu à la sortie. Premier. Bah, oui. C'est le premier. Ouais. C'était la killer app un peu de la sortie de la PlayStation 4. C'était une exclue. Et donc, du coup, bah, par moment, on se dit, ah, ils ont essayé de faire un petit peu pareil, mais ça prend pas, quoi. Alors, ils sont lâchés. Hein. Il y a des effets de lumière de dingue. Ouais. Quand on est dans le métro ou ailleurs, que ça soit dans le désert, où il y a vraiment des effets de lumière qui claquent. Mais il y a une espèce de ville du futur au départ. Et non, quoi. Enfin, t'es une profondeur de champ de 3 mètres. Enfin, ça prend pas, quoi. C'est dommage. Parce que, en soi, les. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Goustic. Mais les robots qui ressemblent à Chappie, mais ils claquent, mais de ouf. Ah, c'est clair. Et puis, ils sont bien, bien, bien vénères. Enfin, faut pas trop les faire chier. C'est la force tranquille, tu sais. Ils marchent vers toi comme ça. Ah ouais, non, c'est pas. Faut pas s'attendre à des robots à la Wall-E, hein. Et c'est pas des mignons. Les mecs, ils sont prêts à te latter les couilles en 2 secondes, quoi. Donc, non, mais vraiment. Et d'ailleurs, ça me rappelle un truc parce que je crois que le réalisateur Neil Blomkamp, il avait porté plainte, il me semble, à Activision. Parce que par rapport aux robots, ah qui bon ressembleraient trop aux robots dans Chappie, en fait. Et c'est vrai que bon, il a pas tort en soi, mais ils ont quand même leur personnalité quand même, hein, j'ai envie de dire. Et puis le fait aussi, enfin, les pouvoirs aussi, parce que dans ce Call of Duty, tu as trois familles de pouvoirs. Ouais, alors attends, parce que on a largement le temps. Agusti qui fait des hop toi, on était en train de parler de l'univers, des graphismes et tout donc, on parlera du gameplay après. Okay, mais alors ce qu'il faut savoir aussi gueule, c'est bah non, mais si tu grilles les étapes, oui, pardon, dans 10 pardon, minutes on n'a plus rien à dire. Désolé. Puis on va vraiment jouer au Uno du coup. Ouais, non, en fait ce qui est pas mal, c'est que voilà, dans les cinématiques, en fait, c'est que des acteurs connus. Ouais. L'un des héros qui nous accompagne, c'est Bradley Cooper. Ah, pas sûr. C'est pas sûr. Je pense que c'est Bradley Cooper. Il y a deux écoles. Pas sûr parce que je crois que l'acteur, c'est pas Bradley Cooper, il s'appelle Sean Douglas. Ça, c'est celui qui a fait la motion capture du corps. C'est celui qui a fait les déplacements. Après, peut-être que Bradley Cooper n'a prêté que sa tête. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah, peut-être, je sais pas. C'est sûr, il lui ressemble, mais à mort. Ouais, il ressemble à Bradley Cooper et aussi, pareil, à l'acteur fétiche de Neil Blomkamp. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui, dans District 9, celui qui se transforme en crustacé. Oui, et le méchant dans Elysium et celui qui prête la voix à Chappie c'est ça, dans son dernier film. Et il y a aussi un autre acteur qui est connu de la série de télé qui s'appelle Christopher Meloni. Yes. Et qui joue dans New York Unité Spéciale. Tintin. Ouais. Dans le système judiciaire. Tu as cité quand même Hellboy. Oui, oui. Alors oui, mais ça oui, c'est ça, après. Ça, après, c'est un autre mode. C'est un autre. Ouais. C'est pas dans la campagne. Et j'adore la New York Unité Spéciale. Ils ont un générique de ouf. Tintin, tintin. Et ouais. Et vas-y, fais-le. Et après, il y a un mec qui arrive au hautbois derrière. Ah, j'adore. Pou pou pou pou pou. Et après le mec il arrive, il fait pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou. Putain, il me tue de rire, ce générique. Les tutos au bois l'infernal sont disponibles sur YouTube. Toi aussi tu vas apprendre à faire du hautbois avec moi en direct à la radio. Pou pou pou pou pou pou. J'adore ce générique. Et puis oui, dans le mode zombie, On va tout décortiquer. Dans le mode zombie, il y a Ron Perlman. Voilà, ils sont quatre en fait. Il y a quatre personnages, mais on va rentrer dans les détails un peu plus. Donc voilà, tout ça mélangé, ça donne un jeu qui est assez particulier parce qu'au final, et ça, moi, je trouve que ça claque vraiment. Mais dans les cinématiques, c'est des acteurs connus. Ouais. Donc au final, enfin voilà, on s'en doute un peu dès le départ. Tu rencontres deux personnes, un qui a les sourcils un peu comme ça. Et un qui a les sourcils un peu sévères. Et comme de par hasard, c'est celui qui a les sourcils un peu sévères qui s'avère être le méchant d'après, tu vois. Oh là là. Eh ouais, non mon mais pote. T'as tout spoilé, je veux plus voir ah ce mais jeu je suis un ancien profileur moi. Je te jure. Moi quand je rencontre les gens, je regarde toujours les sourcils pour savoir. Eh oui, s'il a le sourcil comme ça, fermé c'est ou un ouvert. Chien. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les gens ils ont tendance à plus trop en avoir, ils font des dessins dessus. Oui, je sais pas si t'as vu. Mais nous, on est la team du poil et jamais ça arrivera. Ouais, on gardera nos sourcils jusqu'au bout, messieurs. Mais s'il faut, on aura le mono même. Non. Alors on aura si le mono. Raymond Domenech, on t'embrasse, hein. Donc, Mais donc voilà, maintenant on va arriver un petit peu au gameplay. Alors vas-y, Goustique, t'étais motivé. Alors le gameplay. Alors et là je suis en train de me dire qu'il a pas de notes. Il réfléchit. Alors moi j'ai une pleine page. J'ai mes notes dans ma tête tout simplement. Oula, parce que j'ai torché avec toi aussi avec Bibine. C'est vrai qu'on l'a bien saigné quand même. C'est vrai qu'on l'a bien saigné mais il le méritait. Il le méritait. Au niveau du gameplay, donc vous avez comme d'hab bien sûr Call of Duty les armes, hein, donc vous choisissez les différents. Bah oui non mais après voilà non mais c'est un truc con mais voilà je le rappelle quand même. Et voilà, donc vous avez une grande armada, donc vous avez sniper, vous avez les kalash, après que vous pouvez modifier au fil du temps parce que vous gagnez des niveaux aussi, ça vous gagne. Gros soin à porter quand même à l'esthétique des armes, je trouve, sur cet opus là. Aussi, et puis vous gagnez de l'XP, donc du coup vous pouvez stuffer votre arme ou choisir une autre arme. Et ça c'est sur quoi ? C'est sur le multijoueur ? Non, c'est sur la campagne, le multi. Ah la campagne, tu gagnes des niveaux ? Ouais. Okay. Tu gagnes des niveaux aussi. D'accord. Et franchement, je vous le conseille aussi de jouer avec vos potes parce que je pense que vous gagnez plus vite en XP. Et après, il y a des pouvoirs. Bon, sans perdre les pompettes, c'est un truc de ouf. Il y a des pouvoirs parce que vu qu'on est dans le turfu, et bien l'humanité évolue aussi dans le turfu à un tel point qu'on a des super pouvoirs donc qui sont répertoriés dans trois familles. Donc vous avez le noyau, vous avez le chaos et vous avez martial. Donc le noyau c'est plus il me semble cérébral dans le sens où on peut c'est-à-dire envoyer des mini bombes à des robots et exclusivement qu'à des robots. C'est ça. Vous avez aussi le mode en fait on a contrôle, martial et chaos. Voilà, contre. En fait c'est tout voilà. Mais en fait le mode contrôle en fait chaque slot donc contrôle, martial et chaos a 6 cases et en fait dans le contrôle voilà, ça sert à pirater ou prendre le contrôle d'ennemis. En martial, ça nous donne genre des écrans de fumée, c'est un peu ninja quoi. Ouais. On fait des bons en avant, c'est ultra cheaté. Je m'en suis pas servi de toute la campagne et à la fin pour s'amuser hier soir, on a fait les quelques trophées qui restaient et au final mais c'est un truc de ouf hein. C'est ultra cheaté quoi. Tu traverses t'es Flash Gordon. Ah ouais carrément quoi. T'as ça et puis t'as KO. Alors KO elle est assez intéressante dans le sens où il y a des nanorobots. Est-ce que tu veux nous en parler des petites lucioles qui intriguaient Kogu? Les petites moumouches, et ben ces petites moumouches en question, cette petite meute vous permet tout simplement en fait de titiller un petit peu l'ennemi et il est recommandable aussi de le faire sur les gros ennemis parce que voilà, il y en a qui vont vous donner plus de retordre. Non mais vraiment. Quand tu dis titiller, c'est censé leur faire quoi? Et ben ça sent les gêner quoi. Il y a des mouches. Ah oui. Ça m'a un peu fait rire au début parce que genre t'es barré de technologie. Ouais, ça fait. Et le mec, tu y envoies des moucherons quoi. Ça fait un peu comique. Ouais, mais c'est des nanomachines, c'est ça, c'est des trucs. Des nanorobots. Voilà, on les appelle comme ça. Enfin, Bivin les appelle. Une nuée de mini drones. Non mais franchement, ça aide vachement parce que quand tu tombes sur des ennemis mais ultra cheatés, alors je sais plus comment ils s'appellent, je crois que les immortels. T'as un espèce de gros gradé, enfin une espèce de gros méca et tout. Tu lances une bombe, ça ne marche pas. En fait, t'es obligé de lancer des nanorobots pour essayer de choper une arme un peu puissante et pour essayer de le défoncer. Vous avez aussi, le mode corps à corps aussi qui est assez intéressant. Ouais, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Genre ça envoie une espèce de décharge électrique, mais qui marche une fois sur deux. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire à la suite plusieurs charges électriques. C'est-à-dire c'est genre une droite. une décharge électrique, une droite, une décharge électrique, et je trouvais ça un petit peu dommage. On aurait pu faire, tu sais, par exemple la droite, la gauche et tout. En fait, c'est juste qu'une seule main qui fait une décharge électrique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, l'infernal aussi dans ce gameplay? On a le fait de pouvoir courir sur les murs, qui est sous-exploité à mon goût. Le gameplay et surtout le level design te permet pas de le faire trop souvent en fait. C'est vraiment des endroits précis. T'arrives, c'est des gros militaires. Il fait bon, sans perdre les popettes, c'est qu'il y a un trou. On va courir sur le mur comme ça, et puis on va traverser. Tu vois. Donc tu le fais là, quoi. C'est à des endroits clés. Tu le fais pas quand tu veux. Ils auraient pu faire, je sais pas, des maps avec des murs un peu genre dans une ville, tu vois, où tu cours de mur en mur, parce que tu peux sauter de mur en mur. Hein. Mais dans la campagne, tu t'en sers très peu au final. Donc il y a ça. Et puis tiens, fait intéressant, en finissant la campagne principale, on débloque le mode cauchemar. Donc en fait, c'était sorti un peu sur internet, hein. Des gens avaient réussi à le débloquer avant la sortie du jeu, parce que voilà, il y a toujours des gens qui ont les jeux en avance et qui les finissent. Alors juste pour finir sur la campagne, elle est assez longue, elle dure 11-12 heures. Alors je sais que ça va faire rire de dire elle est assez longue, mais au final pour un Call of, c'est quand même assez correct. Ouais. Elles étaient plus courtes avant. Hein. Oui, largement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est assez relevé. Ils ont rajouté un niveau de difficulté. Nous, on l'a fait en commando, qui est l'avant-dernier niveau de difficulté. Et après, il y a réaliste. Réaliste, c'est one shot. Et sincèrement, il y a des passages. Moi, je veux qu'on me montre. Hein. Franchement, il y a des passages où c'est impossible. Ça pète de partout. Tu cours, tu te caches. Il y a des robots, des mecs qui te courent après. Il y a des espèces de drones aussi qui volent, qui te tirent dessus. Pas prendre un shoot. Franchement, c'est super chaud, quoi. Mais franchement, j'aimerais bien voir un let's play, honnêtement. Ouais, mais moi, je pense que l'IA doit changer également si tu joues cette campagne tout seul ou si tu l'as fait à 4, justement. Ouais. Parce que je t'ai vu faire des sessions où tu te demandais, mais attends, je suis bien en commando là, je me suis pas bourré parce que. Non, en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, je suis plein de skills. le gars. Mais jusqu'à ce que Goodstick arrive, tout allait très bien. Rien à dire. Oh le salaud. Tout va bien avec. Et après, j'ai été obligé de changer de tenue. J'ai pris ma petite mallette de médecin traitant, de déçoit. Ce médecin, puis j'arrivais, mon bon monsieur Goustic, il voulait une feuille de soin. Ce qui est génial, c'est qu'il te demande de venir le soigner quand il est en plein sous le feu des balles. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer quand même en étant blessé pour se mettre un peu à l'abri, que tu le soignes sans t'en manger une, mais non, il reste devant. Non, mais je suis un peu comme Clément, quand je suis dans un jeu, j'y suis vraiment et je fais abstraction des possibilités. Ah, mais il a tapé sa famille, en fait, chez lui. En fait, chez lui, quand il joue et qu'il se fait toucher, il est par terre, il fait Brice, va m'aider. Ouais, non, mais vraiment, c'est Maman, aide-moi. C'est Thibaut qui m'a fait peur parce qu'ils l'ont attendu toute la journée, jour pour qu'il vienne. Moi, j'ai cru qu'il avait fait comme ce qu'on avait fait à l'émission spéciale Back to the Turfu. J'ai cru que Thibaut s'était pris un coma de 24 heures après être mort dans le jeu en se pluguant à la machine. Je vous invite, pour ceux qui nous découvriraient ce soir, à aller voir, il y a des replays sur la page Facebook et tout. Retrouvez le replay, c'était vers quand? C'était vers la fameuse date fatidique de Retour vers le futur. Le 21. Ouais. Le 21. On avait fait une émission un petit peu trollesque. Et on parlait justement d'un Call of, et au final, on n'est pas si loin de celui-là, comme quoi. Et pourtant, on avait poussé le curseur hyper fort, et on n'est pas si loin, quoi. Donc tu vois, en fait, bientôt c'est Treyarch. L'Infernal mondialisé dans le prochain COD, quoi. Eh mais tu sais que j'arrête pas d'y penser à ça, mais genre une caméra, toi, qui fait ton visage vraiment bien comme il faut. Mais il y avait eu ça, je me rappelle, et je l'avais fait. C'était sur PC avec Ghost Recon Advanced Soldier, je crois. Ah ouais, yes. Ouais. Et là, effectivement, tu pouvais prendre une photo de ta tête et il a posé sur un modèle 3D et tu pouvais modéliser un peu ton nez, tes joues, tes yeux. Et ça rendait hyper bien et c'était hyper bizarre parce que tu te voyais toi dans un corps de soldat. Mais c'est ça qui est ouf, t'imagines, après tu peux choisir genre tous les méchants, tu mets la tête de ta belle-mère ou d'une grand-mère, tu vois. Genre tête de chat, tu sais, les méchants c'est des chats, quoi. Ouais, c'est ça, tu mets ton chat ou ton yinche. J'entends que ça sonne à la porte, mais on est en direct, on va pas pouvoir ouvrir. Je crois que c'est le livreur de pizza. C'est l'équipe des acoustiques qui arrive peut-être. Ça on a fait le tour. Ensuite, oui, la campagne zombie. Ouais, vas-y, je veux bien Kogu, merci. La campagne zombie, donc c'est une campagne à part entière. C'est celle qu'on débloque en terminant la campagne. Donc dans l'idée, on fait un petit peu tous les niveaux, tous les chapitres dans le désordre. Et à la place d'avoir les dialogues en fait des gens, ils parlent pas. En fait, ils ont les lèvres qui bougent, ils ont coupé le son et il y a une voix off par dessus qui nous raconte ah mon Dieu, il y a eu un virus machin. Et en fait, tout le monde, yes, c'est Manu des acoustiques. On est parti t'ouvrir. On t'ouvre, t'inquiète. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, tu disais que donc il y avait une voix off qui parlait par-dessus. Ah oui, voilà. Donc il y a une voix off qui passe par-dessus. Donc ça. Ensuite, on a l'autre mode zombie, qui celui-là est pas mal. Ouais. Et vraiment, franchement, là, moi je dis chapeau bas. Activision. Bon, chapeau l'artéiste. Non mais chapeau bas Activision, parce que le bon, voilà, je pense que Call of Duty, la plupart des gens qui aiment ça, c'est parce qu'ils aiment le mode zombie depuis, je crois, le Black Ops, il me semble, le premier ouais, Black Ops. Je crois. Et là, cette fois-ci, ils sont renouvelés, comme dans la campagne, c'est-à-dire que il y a un univers, il y a vraiment un univers, une ambiance. Donc comme disait Kogumasa, eh bien dans ce mode zombie, eh bien on retrouve Ron Perlman. Oui, il y a quatre personnages en fait. Voilà, quatre personnages et c'est une ambiance un peu l'Amérique côté polar, tu vois, le côté un peu jazzy, blues, c'est genre c'est ce qui transparaissait bien à travers le trailer qui montrait. C'est exactement ça, puis genre tu sens dans cette ambiance que il manquerait plus que voilà, un mec fait un monologue, je me baladais dans la rue, dans Wall Street, tu vois, quand c'est soudain, un peu ça, hein. Et franchement, ben que ce soit les effets de lumière, pareil. La musique, il y a un petit saxo derrière, tu vois, point, point, point, point. Bon, ça fait un peu porno ce que je chante là. Point, point, point, point, tu vois, un truc bien années 50, quoi. Ouais. Non, il y a vraiment une atmosphère assez particulière et qui est assez cool, qui mélange ben, le rétro avec le côté fantasy, avec ben, tout ce qui est zombie. Et un petit côté moderne avec, parce que les armes, parce que je pense dans les années 50, ils avaient pas ce genre d'armes quand tu butais les zombies. Oh. Je pense pas. Et puis aussi bah, le fait que voilà, je crois qu'il y a un des personnages, il y a un espèce de checkpoint où tu peux incarner une bête, donc une espèce de... C'est ça, parce que moi je me suis demandé à quel moment t'acquiers les tentacules. Oui, enfin, ah oui, alors moi aussi. Moi, pas quand j'ai découvert le titre, j'ai vu des tentacules et j'ai vu des papillons de feu. Oui, alors moi aussi, parce que on est arrivé dans le mode zombie, tu vois, en mode découverte et tout, et puis sans faire exprès, j'avais appuyé sur le carré, tu vois, l'habitude pour te ravitailler et compagnie. Ce moment-là, j'ai pas compris, il y a des espèces de tentacules qui partent, mais dans n'importe quel sens. Et en fait, ben, ça a fait un petit peu peur à l'infernal, parce que l'espèce de bébête est assez, te marque un petit peu. C'est surtout qu'elle me rappelle une ex. Oui, oui, ben d'accord. Mais oui. On l'embrasse. Je trouve que ça faisait très Evolve, pour le coup. Oui, un peu. Ouais, mais en mieux. Coup, c'est quoi, c'est toi-même qui te transforme en monstre? Ouais, en fait, sur cette grande map zombie, tu sais, c'est classique, c'est comme d'habitude, hein, tuant des zombies, tu gagnes de l'argent, que tu dépenses en dans achetant canettes, des planches pour machin. Et en fait, sur le côté, tu as une espèce de petite vasque avec une lumière dedans. En fait, tu t'approches, tu fais carré et hop, tu transformes pendant, c'est même pas une minute, c'est 40 secondes c'est peut-être. C'est 30 secondes. Ouais, voilà. Tout péter. Tu transformes et donc t'as les tentacules dans tous les sens et puis t'électrocutes les apparemment, gens. Voilà, tu peux également ouvrir certains passages qu'avec cette c'est forme-là. Ça. Ouais. Et du coup, le but étant dans un laps de temps, très court, de pouvoir aller ouvrir des passages. Carrément. Donc ça, pas mal du tout. Pareil, à jouer à 4 parce qu'on a essayé tout seul et à 2. Bon, ça a ses limites quand même. Ouais. Est-ce que c'est toujours illimité les rounds? Oui, je pense. Hein. Alors non, on a tenu jusqu'au 5e. 6e, pardon. Ouais, six et c'est quand même assez chaud, sachant que j'avais un petit caillou dans ma chaussure, je jouais avec Goustic. Bon, bref. Oh, bah arrête. Les gens, ils vont croire que je suis un noob dans le game, quoi, sérieux. Il y a un temps d'adaptation, je suis désolé. Eh ben, voilà. vous le verrez jeudi, on va streamer Battlefront sur la chaîne, on sera tous ensemble, une grosse escouade, et vous allez voir un avion qui vole un peu de traviole dans tous les sens. Ok, ça sera ok, très bien, je suis Matt Damon, voilà, très bien. Il faut le sauver tout le temps. et puis évidemment, on peut pas parler de Call of Duty avant de se quitter sans parler du multijoueur. Qui est toujours aussi solide, tu rentres dedans, t'accroches de suite, encore des petits problèmes de matchmaking. Moi, quand j'ai lancé le multijoueur, j'étais niveau 1, je me suis retrouvé à me battre contre des niveaux 48, pardon. Ça pique un peu, surtout quand tu fais des équipes et que tout est mélangé et puis que paf, les équipes s'affichent et t'as une équipe où le maximum c'est 5 le niveau sur les 10 et puis les autres c'est que des 40-50. Tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure. Bah c'est la marque de fabrique de Call of, quoi. Donc ouais, c'est... alors ouais, pour tous ceux qui râleraient, oui, mais il y a que des gosses et tout qui jouent à Call of, non. Sincèrement, non, moi, il y a aussi l'infernal. Il y a aussi moi. Non mais c'est une réflexion qui me fait doucement rigoler, sachant que moi je coupe le son des micros, quoi. Donc à aucun moment j'entends enfin voilà. Et 3-6. Non mais c'est clair, tu sais, moi je sais même pas contre qui je joue. Alors il y a un bon paquet de maps. Il y en a une qui est assez rigolote qui se passe en Éthiopie, où j'étais caché dans l'arbre et tu m'as même pas vu. Ah oui, salaud, oui. Il y a une espèce d'arbre en Y, j'étais caché dedans et hop, je faisais ma life et il m'a pas vu. Donc les maps sont assez sympas. Il y a pas mal de choses, voilà. Donc bon petit call-off quand même. Ouais, c'est honnêtement, c'est une bonne surprise. Pas, pas une bonne surprise, c'est une petite bonne surprise. Carrément. En soi. Voilà, bah, voilà. J'ai envie de terminer en soi sur, ouais. dans cette phrase. Ça te gêne pas? Absolument pas, je te l'accorde. Et non, franchement, voilà. Les gens qui ont été un petit peu comme moi, qui trollaient à mort sur Call of Duty parce que c'est une licence déjà vendue depuis pas mal d'années. Eh ben non, mes amis. Non, pas du tout. Essayez Black Ops. Arrêtez de dire genre que c'est mieux que machin, ceci, cela et tout. Non, ce n'est pas pareil. Vous n'avez pas testé, donc vous pouvez pas critiquer, juger. Testez Black Ops 3 et franchement, ça vaut vraiment le coup. Bah, surtout en multi, ouais, à 4. Surtout en multi, à 4, vous allez vraiment prendre plaisir, que ça soit par le gameplay, que ça soit par les... Le casting, Bradley Cooper, le gars qui joue dans classe. New York Section Criminelle. Il y a aussi un mec qui a joué dans Stargate SG-1, qui était le mentor de Teal'c. Alors je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, c'était Vois Teal'c, mais pas son mentor. C'était le vieux barbu qui portait une espèce de bonnet de bain. Celui qui ressemble à une ex à toi, là, tu sais. Moi je vois le Goa'uld, mais c'est tout. Bon, ok, bon, tu verras sur internet. T'es sorti avec un Goa'uld. Ouais. Ah, joli. Ouais. Non, mais franchement, déjà pour la campagne, franchement, honnêtement, vous avez pour une quinzaine d'heures grand max. Après, vous pourrez refaire en mode. 60 heures si vous jouez en coop avec Goustic. Voilà. Ça, parce qu'on était à 11-12 heures chez l'Infernal. Et ça, mes amis, on est à 15 heures avec Goustic. Ça vaut pas 50€, c'est gratuit, donc vous pouvez m'ajouter. Et voilà, non, franchement, c'est assez varié, c'est assez ouf. On sent qu'Activision s'est fait bien plaisir pour faire ce Black Ops 3. Je vous le recommande vivement. Voilà. En soi. En plus, il y a très peu de bugs. On a juste eu un bug, nous, qui nous empêchait de continuer. On a dû relancer la mission. Et sinon, il y a un petit problème si c'est, ça affiche pas le nom des joueurs en ligne. Par exemple, moi, j'ai jamais vu Goustic dans la liste alors que lui me voyait. Ouais. Donc ça, c'est assez problématique et ça l'a fait avec d'autres gens parce que j'ai joué en ligne avec d'autres amis. Et pareil, des fois, c'est tu moi qui les vois. Tu as d'autres amis que nous. Oh oui. Oh merde. Déjà, il a d'autres amis que moi, donc je le prends déjà assez bien. Ouais, mais pas pour longtemps. On te rappelle que tu vas partir, donc t'inquiète. tu vas pas faire ton Eki toi aussi, là, ça suffit. Oh là là. Et tu vas vite être remplacé. D'ailleurs, vous pouvez postuler sur le chat ou sur Twitter, envoyez vos candidatures. Sur la voix du geek. T'inquiète, j'ai déjà des noms. Voilà, allez sur LinkedIn, allez-y, la voix du geek. J'ai déjà des noms. Bref, en tout cas, j'espère qu'on vous aura aidé à faire un petit peu le tri dans tout ce qui se dit sur ce Call of. Nous, on a pas mal aimé. Pour ceux qui nous suivent, ils ont vu des streams évidemment dessus. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit à l'heure pour les acoustiques, parce qu'il y a Manu qui est dans les studios. On va faire la soudure ce soir, ça fait plaisir. On va enchaîner sur deux émissions. Merci à tous de nous avoir suivis sur le stream. On remet ça très vite, peut-être pas mardi prochain, on verra. Si. Ouais, bah ouais, carrément. Ah bah Dandy, c'est un déglingo, il a dit. Tous les mardis, mon gars. Ah bah tous les mardis, c'est parti. On va essayer d'uploader les vidéos sur YouTube assez rapidement et puis de les balancer sur Facebook, Twitter, La Voix du Geek avec un E, Twitch aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre, à laisser des commentaires comme d'hab. Yes. Demain, est-ce qu'on tente un stream sur Battlefront ou pas? Il y en a eu aujourd'hui, après. Il y en a eu déjà avant-hier, mais après ça a pas duré longtemps. Donc moi je pense qu'il faudrait que on stream le jour J. Pour pas avoir des problèmes, parce qu'on a eu pas mal de problèmes il y a quelques temps, donc voilà. Après, je sais pas. Hein, je me suis sacrifié pour vous, ne faites pas la même erreur. C'est vrai. Yes, bon, on verra bien. En tout cas, jeudi dès 10h sur la chaîne Twitch de La Voix du Geek, on enchaîne toute la journée sur du Battlefront et vous allez voir que c'est pas si mal en fait. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission et d'avoir suivi le stream. Merci Dandy, merci Goustic, merci Kogu. Merci l'Infernal. Merci à tous les viewers. Je vais pas dire tous vos noms parce que vous êtes quelques-uns quand même et puis on n'est pas tout seul. En tout cas, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec le test de Fallout 4. Bisous. Allez, bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, bye bye. Et dans un instant là, les acoustiques, ça va être bon ça. Toujours finir sur un prout.